Les enfants de Satan ont des problèmes. Les enfants de Satan ont peur et froid. Les fils de Satan sont malheureux. Les enfants de Satan sont ennuyés. Les enfants de Satan n'ont plus de feu. Ils n'ont plus le temple pour les guider. Leurs joues sont cassées.